grandi dans la street, l'ambiance est triste quand vient la nuit. Hey, on aime pas le 17, les bavures d'un des tirailleurs. T'es juste le coup d'un soir qui restait jusqu'à l'après-midi. Surtout pas de je t'aime, je te dirais d'aller voir ailleurs. Ah, la seule devise c'est force et honneur comme la meucrie. On veut l'automatique, les bitches et la meuca. Ils sont venus assis du mat, y'avait rien, merci pour la visite. La commère d'en face n'a pas su fermer la boca. Hey, Paris est magique comme mon automatique. J'suis dans le 4 magique, plongé dans ma matrice. Cet endroit matrice, bébé, j'suis nostalgique. Depuis l'époque, la clique, c'est toujours là. Crise. Ici, on peut t'éteindre comme Mario. J'ai vu trop de vie s'en aller. Au village, le son des criots. Ici, les balles ne font que chanter. Dit où fallait capter la faille, frère. J'connais les méchants qui veulent te faire swipe up. Tu veux le bolide et t'endormir près des palmiers. Mais pour ça faut des violets en palette. J'aimerais faire tour du monde, j'ai trop squatté les zones à danger. Longtemps que j'ai pas dansé, tout est très bien séquencé. Pointe ses pieds au plancher, vitesse de croisière enclenchée. Des fois faut trancher, t'amener à l'étranger. La haine que j'ai peut pas s'expliquer, c'est compliqué. Charismatique, gros, j'suis en comportement depuis la tétine. J'nous vois faire tour du monde, faut qu'on aille voir ailleurs.